Bonsoir à tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Avant que Yves commence la conférence, on va vous présenter qui nous sommes, nous, collectif Rennais pour les animaux. Ensuite, je vais vous parler rapidement de qui est Yves et ensuite il abordera la thématique de sa conférence. Donc le collectif Rennais pour les animaux, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, il y en a. On est un collectif assez récent. On fait déjà pas mal de choses. On est des citoyens militants pour la cause animale. On relaie les événements nationaux en faveur de la cause animale, c'est logique. Et on organise régulièrement des actions sur le terrain. Alors c'est souvent de la sensibilisation et de l'information du public au moyen d'un stand avec distribution de tracts, diffusion de vidéos, des conférences comme ce soir. On pense aussi faire une diffusion de films avec un buffet végan par la suite. Les principes qui nous guident sont assez simples. On est contre les spécismes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est le spécisme, je pense que Yves abordera le sujet. Et nous sommes aussi pour les droits des animaux. Nous ne sommes pas contre les actions réformistes, mais nous adoptons plutôt une position abolitionniste en revendiquant la suppression des différentes activités qui impliquent l'utilisation d'animaux au détriment de leurs intérêts. Donc si vous êtes, comme nous, sensible à la détresse animale et voulant faire quelque chose pour lutter contre l'exploitation qui revêt beaucoup de formes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à découvrir ce que nous faisons régulièrement sur Rennes.